Croto, j'y parle, ça rentre, pis ça rentre. Pis ça s'arrête pas nulle part en rentrant. Ça passe pas par toutes les circonvolutions du cerveau. Pis... Ouvrez une petite lumière ici, une petite lumière là, une petite lumière. Pis c'est le même phénomène quand Croto me parle. Ça arrête pas quelque part, ça rentre, pis ça retourne. C'est vibratoire! Non, vous autres, ça rouvre une petite lumière verte, ça passe. Puis des fois, c'est une petite lumière rouge, oh, une question. Après, une petite lumière verte, ça passe. Une autre, oh, une petite lumière rouge. Des fois, c'est une petite lumière jaune. Mais ça vous allume toujours une petite lumière. C'est ça, c'est ce phénomène-là qui va falloir... Pour certains, quand tu parles, ça devient de la vérité. Éventuellement, il va falloir que... Exactement. Vous allez apprendre votre leçon. Mais ça, c'est dans votre expérience. Une communication vibratoire peut se servir de mots substants matériels. Il faut bien qu'on communique avec des mots quand on parle. Mais c'est pas dans la forme. C'est dans l'énergie. Pardon? Vous n'êtes pas assez avancé sur le plan vibratoire pour communiquer par télépathie. Quand vous aurez les corps faits, ben, ça se fera par télépathie. En attendant, ça se fait par les mots. Mais si vous vous accrochez pas aux mots, vous vous restez dans la vibration. Ouais, là, ça fait son travail. Vibration pensée à une personne qui nous est prête à parler. OK. Moi, vous en détruisez une autre forme. Vous allez comprendre un jour que quand vous rencontrez une personne, puis que vous percevez des vibrations, vous les percevez au niveau du plexus solaire. Puis le plexus solaire, c'est un centre d'énergie émotive. Puis le centre d'énergie émotive, il n'y a aucune intelligence. Il y a seulement de la perception. Puis c'est connecté à l'astral. Fait que quand vous serez un supramental, que tu rencontres n'importe qui, tu ne sens jamais rien. Tu sais, mais tu ne sens rien. Rien, rien, rien, rien. C'est ça. C'est jamais... Ce que les gens considèrent l'empathie, là, la sympathie, puis l'empathie, comment ça s'appelle ça, sympathie, whatever, là. C'est tout de l'astral. Parce que quand t'es conscient, quand t'es dans la lumière, que tu rencontres n'importe quel homme, tu communiques avec. Moi, si elle a voulu que je fonctionne au niveau de la sympathie quand on s'est rencontrés puis je t'ai donné le choc dans le séminaire, je te jure que j'aurais dit, lui, je veux plus le voir. Comprends-tu? Parce que faire a fonctionné au niveau d'un sentiment quelconque. J'aurais dit, je veux plus le voir, ce gars-là. Il m'engueule, il me traite comme du poisson pourri. Il veut renverser les chaises puis les tables dans le séminaire. Comprends-tu, je veux dire? C'est ça, de l'astral. Moi, quand j'ai rencontré Croto pour la première fois qu'il s'en venait me checker dans les conférences, j'ai rencontré Croto, puis c'est final. Il y a un mur ici. Pas commencé à sentir si Croto me check ou s'il me check pas. S'il m'aime ou s'il m'aime pas. J'ai parlé à Croto, puis Croto m'a parlé, puis ça s'arrête là. Mais c'est notre astralité qui nous fait sentir. Il y a des gens qui me voient, ils voient les auras, puis les lumières, ben ouais donc. Hey, il faudrait que je voie les lumières de tout le monde, puis les auras de tout le monde, il faudrait que je porte des lunettes de soleil. Ils sont contents. Le pire, c'est qu'ils sont contents de ça. Ils sont contents de ça. La clé doit toujours la même, c'est la neutralité. Bon, mais la neutralité, c'est quoi? C'est supramental. T'es bien dans ta peau, puis... C'est ça. C'est ton quand t'es bien dans ta peau, tu rencontres n'importe qui, que ce soit un criminel ou un prêtre ou un pape, c'est la même chose. Ne recule pas, tu fais ton appel. C'est la même affaire. Non, on sent. Lui, je l'aime parce qu'il est fin, puis l'autre, je l'aime pas parce qu'il est pas fin. L'autre, il crie trop fort. On a tout, on se fait... Puis après ça, on se demande pourquoi est-ce que... pourquoi est-ce qu'on va aller... Les doux, ils vont aller avec les doux. Les doux, ils veulent pas être avec les roughs, tu comprends? Papier sablé. Puis les roughs, ben, ils veulent rien savoir des doux. Fait que les doux sont d'un bord pis les roughs de l'autre. Le sel pis le poire. Il y en a des roughs, c'est. Lui, c'est un rough. Lui, c'est un rough avant, mais c'est pas un rough. Lui, c'est un rough. Croteau, c'est un rough. Machin chouette là-bas. Daniel Ménard, c'est un rough. Lui, c'est un doux. Il est rough, il n'est pas gros. Non. Mais c'est la même chose. Là, tu vas aller avec les doux. Il est fin, il m'écoute. Ménard, là, on n'a pas moi Ménard, plus Croteau, plus l'autre, parce qu'il veut me rentrer dans les murs, changer les chaises dans les séminaires. Voyons, c'est pas de même que ça marche. L'intelligence, c'est de l'intelligence. La lumière, ça vient, faut que ça rencontre tous les hommes, tous les hommes. Mais faut qu'il y ait de la lumière, par exemple. Parce que si tu rencontres un doux, là, ça marche. Mais si tu rencontres un rough, faut que tu l'amènes, le rough, à sentir, qui sait, à percevoir. Ben, faut que tu aies de la résistance, puis continuer la relation, jusqu'à temps qu'il y ait un équilibre dans ses énergies à lui. Quand il y a un équilibre dans ses énergies à lui, les problèmes n'existent plus. Mais c'est pas ça qu'on fait. Les roughs se tiennent ensemble, puis les doux se tiennent ensemble. Deux clubs. Ceux qui parlent gros ensemble, ceux qui parlent pas ensemble. On polarise l'humanité. On peut pas polariser l'humanité. Il y a des roughs qui sont roughs parce que c'est de même qu'ils sont, c'est nécessaire qu'ils soient de même. Il y a des doux, c'est nécessaire qu'ils soient de même. Jusqu'à temps que les gens rentrent dans leur énergie. C'est une gang de clubs dans la stade, puis tout le monde va dans son club. C'est ça. C'est ça. Exactement. Ça manque pas d'intelligence, quoi. Elle avait absolument qu'il retourne, là. Voilà. Elle aime, elle est comique, elle. Elle est tellement bonne, tu sais. Elle est tellement fine. Avec tout le monde, elle, même dans ta graisse, faut que tu sais. Ça, c'est sa nature à elle. Elle est bonne, nature spirituelle. L'espoir, l'espérance, la charité. Avec tout le monde, elle retourne. Mais je vous comprends. La réalité, c'est l'affrontement éternel des deux. Très bien dit. Très bien dit. Puis ça m'amène à dire quelque chose d'intéressant, ça. C'est que la réalité étant l'affrontement éternel des deux forces, il y a des cycles d'évolution. Donc là, on rentre dans un autre cycle. Puis après ça, il y a le renversement de ça. Parce que les enfants de la lumière retourneront à la magie noire. Oui. Ben. Ouais, je peux m'en du café et de l'eau, ça marche pas. L'éternel des deux, ça veut dire quoi, ça? Oh. Lui, il veut avoir une fin pour connaître le dénouement. On fait de vous ça. Puis dans le dénouement, il y a toujours l'espérance. Puis dans l'espérance, il y a toujours le désir de la victoire de la lumière. C'est subtil. Puis le désir de la victoire et de la lumière provient de l'astral spirituel. Il y a une perte d'énergie. Fait que d'un côté ou de l'autre, que tu sois bon ou que tu sois mauvais, t'es tout rancuné pareil. Jusqu'à temps que tu sortes de la dualité, que tu sortes complètement de l'astral. On va-tu m'arriver bien vite? Oui, je suis prêt.